Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, 1989, le début de la fin de l'histoire. Une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a des commémorations, des souvenirs et des dates sur lesquelles on bute. Un mur qui tombe alors que personne ne s'y attend, des pays qui disparaissent, d'autres qui naissent, et la fin d'un monde conduit par la guerre froide. Une histoire à raconter et des mémoires qui flanchent. Alors pour commencer, les personnages. Un musicien trad, un historien qui arrive trop tard, une interprète qui se rappelle, un musicien dissident et son ami, une dame qui vit sur la frontière, un couple enthousiaste, un maire des Carpates et des lycéens qui n'ont pas connu la Tchécoslovaquie. Ensuite, le décor, une révolution de velours, un train qui s'arrête à Prague, des langues très proches, 74 années, des trousseaux de clés, un hymne bricolé, des manifestations contre la corruption et des histoires qui s'effacent. Aujourd'hui, 3e épisode, Petit bain de foule. 1989, le début de la fin de l'histoire, Tchécoslovaquie, mémoire d'un pays disparu, par Alain Lefkovitch et Guillaume Baldi. Ať mír dál zůstává. Cette chanson culte intitulée « Prière pour Maria » nous parle de liberté. Elle fut interprétée par Marta Kubitschova. Écrite 2 jours après l'entrée des chars soviétiques à Prague, Kubitschova l'entonne de nouveau 20 ans après, en 1989, lors de la révolution de velours. Vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá. Une transition politique pacifique, c'est ce qui caractérise le processus qui a abouti à la chute du régime communiste en Tchécoslovaquie en 1989. On parle de la révolution de velours, quand le 17 novembre, des milliers de personnes sont réunies dans les rues de Prague, la capitale, pour commémorer la journée internationale de l'étudiant. Les manifestants sont alors dispersés à coups de matraque par la police. Cette démonstration de force choque l'opinion qui décide de se mobiliser immédiatement. S'ensuit toute une série de manifestations populaires et pacifiques qui conduiront à la fin du communisme en Tchécoslovaquie. À Prague, le 19 novembre, le forum civique est formé. Le mouvement contestataire est constitué des principaux dissidents tchèques, parmi lesquels le dramaturge Václav Havel. Chaque jour, les manifestants gagnent du terrain, fermement, mais en douceur. Le 24 novembre, toute la direction du Parti communiste, dont le secrétaire général Miloš Jakeš a démissionné, l'une des dictatures communistes les plus répressives d'Europe de l'Est, a été renversée. Dubček, l'homme du printemps de Prague, Václav Havel, l'ancien dissident, ensemble sur les plus hautes marches du pouvoir en Tchécoslovaquie. Image incroyable de ces deux hommes, hier encore ennemis du régime, et aujourd'hui applaudis par les députés communistes. Car ce matin, c'est à l'unanimité que Václav Havel a été élu président de la République tchécoslovaque, le premier président non communiste depuis 41 ans. Alors que l'on entonne l'hymne national, le drapeau du président flotte à nouveau sur le château. Dans quelques semaines, les députés vont voter les premières lois du nouveau régime, celles qui garantiront la liberté d'expression, de rassemblement, de religion dans le pays. Et c'est ça, un si beau pays, cette terre tchèque, ma patrie, que chantent les voix de la chorale de Nivnice, petite bourgade de la République tchèque d'à peine 3500 habitants, située à quelques kilomètres de la frontière slovaque. Alors notre groupe s'appelle Nivnička et comme nous nous trouvons à la frontière moravo-slovaque, nous chantons les chansons d'ici, celles qui viennent des villages d'ici pour ce qui nous concerne, notamment donc de Nivnice. Mamičko, ne pujdu. Mina Dámy a pánové, následuje stanice Praha hlavní nádraží, kde tento vlak svou jízdu končí. Jménem národního dopravce České dráhy se s vámi loučíme. Děkujeme vám za využití našich služeb a těšíme se brzy na shledanou. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen jetzt Praha hlavní nádraží. Dieser Zug endet hier. Danke für Ihre Reise mit den tschechischen Bahnen und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, we are approaching the station Praha, hlavní nádraží. This train terminates here. Thank you for using our services and goodbye. À peine une semaine seulement après la chute du mur de Berlin, commençait en Tchécoslovaquie ce qu'on a appelé la révolution de velours, ainsi nommée en raison du peu de sang versé lors des 13 jours qu'elle dura et au cours desquels fut renversée la dictature du parti unique, dans la lignée de la chute des régimes communistes d'Europe de l'Est. Alors que les commentaires et les analyses de comptoir fusaient autour de la table du dîner familial lors du journal télévisé du soir, la République socialiste tchécoslovaque s'apprêtait à ne plus être, 74 ans après sa naissance, pour laisser place à deux nouvelles républiques, la Tchèque et la Slovaque. Il fallait désormais tout réapprendre, changer les cartes, les frontières, les noms, les drapeaux, les hymnes. C'était la fin d'un monde et de ses vieilles certitudes. Dans ma banlieue rouge, les communistes défroqués se réjouissaient. Ils y voyaient la justification de leur choix de quitter le froc. Les autres faisaient grise mine, se demandant comment tenir la ligne. Moi aussi, je m'étais inscrit en DEA de soviétologie pour faire des sciences sociales. J'allais bientôt devenir historien dans une discipline qui vivait ses derniers instants. Yana, on se retrouve aujourd'hui donc à Prague. C'est votre ville natale, Prague ? Non, moi je viens de Košice, une ville à l'est de la Slovaquie. Et je suis venue par contre à Prague pour faire mes études universitaires. Donc je suis venue à 18 ans et j'ai passé quasiment 10 ans Slovaque, ici. Yana Vargovčíková est docteur en sciences politiques. Elle est également notre guide et interprète. Ça veut dire que vous avez dû apprendre une autre langue ? Alors justement, bonne question. J'ai appris le tchèque, qui est une autre langue que le slovaque. Mais les deux langues se ressemblent beaucoup. On pourrait dire qu'après quelques mois, après quelques années d'écoute de l'autre langue, on arrive quand même à comprendre, à tout comprendre, la télévision, on arrive à lire un roman quand on est slovaque, en tchèque et vice-versa. Donc moi, au bout de 2-3 ans, j'ai commencé à parler tchèque sans jamais avoir vraiment pris de cours, sans jamais avoir étudié la langue. Mais c'est effectivement, d'un point de vue linguistique, deux langues distinctes parmi les langues slaves occidentales, ce qu'on appelle les langues slaves occidentales. Mais alors avant que la République tchèque n'existe et que la République slovaque n'existe, il y avait la Tchécoslovaquie, comment ils faisaient les gens pour se parler ? C'est assez intéressant. Tout au début, il y a même eu le projet de créer quelque chose qui serait la langue tchécoslovaque. Tout au début, après la Première Guerre mondiale, l'idée des pères fondateurs, on va dire, de cette première République démocratique tchécoslovaque était que ce soit celle d'une nation tchécoslovaque qui parle sa langue officielle, la langue tchécoslovaque. En réalité, les deux populations ont toujours parlé chacune leur langue et tout au long de ces décennies, ce fut ensuite une question de négociation politique par essence, des proportions entre l'une et l'autre langue, à la télévision, dans la presse, dans les discours, dans les enceintes parlementaires et politiques. Donc concrètement, dans le journal télévisé de 7-8 heures, on savait qu'il fallait telle proportion, 20%-30% de reportages en slovaque, même si la majorité était en tchèque. Ensuite, il y a eu des pièces de théâtre retransmises le lundi soir. C'était les fameuses pièces de théâtre du lundi soir, qui souvent étaient en slovaque pour un petit peu équilibrer le reste de la programmation de la télévision publique qui était en tchèque. Donc, c'était des petites choses, des petites négociations comme ça qui ont fait que, bon, finalement, au sein d'une république, il y avait toujours deux langues officielles, mais qui cohabitaient au sein d'institutions publiques qui étaient communes. Les deux territoires, donc le territoire tchèque et le territoire slovaque, avaient une histoire assez distincte. Les pays tchèques, ce qu'on appelle les pays tchèques, ont évolué plutôt du côté occidental de l'Empire austro-hongrois, ont toujours été très industrialisés. Au sein de cet empire, c'était plutôt un territoire industrialisé, avec une bourgeoisie qui se renforçait dès la fin du XIXe siècle. Les territoires slovaques étaient très différents à cet égard. C'était vraiment un pays agricole, une population paysanne, pour partie illettrée, sans vraiment de bourgeoisie. L'élite politique était composée principalement d'enseignants et de prêtres tout au long du XIXe siècle. Et donc, forcément, au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a eu un grand déséquilibre socio-économique entre les deux parties. Concrètement, les premiers fonctionnaires, les premiers, pas juste les premiers, pendant toute une première décennie, les fonctionnaires de l'État en Slovaquie, les enseignants, étaient des Tchèques qui venaient de la Tchéquie pour combler les places abandonnées par les fonctionnaires hongrois, puisque la Slovaquie donc, ne faisait plus partie de la Hongrie, royaume auquel elle avait été rattachée pendant quasiment 1000 ans avant la création de la Tchécoslovaquie. Donc, une fois qu'on a chassé les fonctionnaires hongrois, les enseignants, la bourgeoisie et l'élite hongroise, c'est l'élite tchèque qui a dû combler la place dans un esprit d'idéal républicain tchécoslovaque commun. Mikhail Kopchak, intellectuel signataire de la charte 77, était destiné à se retrouver dans l'underground tchécoslovaque. Ses prises de position l'ont emmené à présider au début des années 90 la commission parlementaire chargée de superviser le départ des soldats soviétiques. En 1991, il retourne à la musique, au rock, avec son groupe légendaire fondé en 77, Prachki Viber, réprimé par le régime communiste dans les années 80. C'est dans un café branché du quartier de Jichkov que nous le retrouvons en compagnie de Fedor Gal, son vieil ami. Fedor Gal, on va célébrer bientôt le 30e anniversaire de la révolution de velours. Vous vous souvenez de cette révolution? Pourquoi on l'appelait la révolution de velours? Parce que c'était bez násilia. Parce qu'elle se passait de violence. Ústavnou cestou. Parce qu'elle a pris une voie constitutionnelle. A protože to je krásná metafora, která se nám všetkým páčila. Très belle métaphore qu'on a tous beaucoup aimé. Všetky revolucie v dějinách byly krvavé a toutes les révolutions de l'histoire étaient pleines de sang. A my jsme to chtěli bez násilí. Et nous on voulait faire autrement, sans violence. Ale keď přijde Michal Kocáb a budete sa s ním rozprávať, tak sa dozviete, že mais quand Michael Kocáb sera là et que vous allez lui parler à lui aussi, že medzi nenásilným a násilným priebehom našej revolúcie vous allez boli voir millimetre. Que entre un cours violent et non violent de cette révolution, il n'y avait que quelques millimètres. Armáda bola pripravená zasiahnuť. L'armée était prête à intervenir. A čakali iba na rozkaz. Et n'attendait qu'un ordre. A ten rozkaz neprišiel. Et l'ordre n'est jamais venu. A neprišiel z Moskvy. Il n'est pas venu de Moscou. A vlastne aj naši komunisti cítili, že et même nos communistes sentaient que le régime ne pouvait plus durer. Cela fait des années que nous sommes amis avec Fedor, depuis la révolution de velours, où lui était un représentant très important de VPN, donc Verejnost proti násiliu. Et moi, représentant du forum civique, Občanské forum, c'est là que nous avons fait connaissance. A měli jsme vlastně společné, řekněme, takové čtyři základní cíle. Et nous avions quatre objectifs en commun. Ten první cíl bylo zbavit se sovětské nadvlády. Se débarrasser de l'oppression soviétique. Ten druhý cíl by zbavit se vedení komunistické strany a vrátit se k demokracii. Du parti communiste. Et revenir à la démocratie. Zrušit totalitu, to se povedlo. Ten třetí cíl, zavést republiku demokracii s významným ohledem na oblast lidských práv. Introduire la démocratie, une république démocratique avec un accent particulier sur les droits de l'homme. Tím čtvrtým cílem bylo dostat se do rodiny evropských vyspělých evropských demokratických států. Et le dernier objectif était de rejoindre la famille européenne d'États démocratiques avancés. Dans 5 jours, ce sera la mort de l'année 92. Ce sera aussi la disparition d'un pays. Après 74 ans d'existence, la Tchécoslovaquie se divisera le 1er janvier. L'héritage de l'État tchécoslovaque a été partagé sans trop de difficultés. Bien sûr, les deux États, le Tchèque et le Slovaque, conserveront des rapports privilégiés. Ils ont signé des dizaines d'accords, dont une union douanière. Et pendant un certain temps, ils garderont même une monnaie commune. Et pour le moment, il n'y a pas encore de poste frontière prévu entre les deux pays. Première étape d'une enquête en pays tchèque et slovaque. La séparation du pays vue de Prague, la capitale de l'ancienne Tchécoslovaquie et de la nouvelle République tchèque. Reportage de Christian Dupont. Moi, je pense que nous ne sommes pas suffisamment riches pour nous payer le luxe de ces tensions entre nationalités. Moi, je ne m'intéresse pas à la politique. Mais il est clair que nos amis slovaques retardent notre développement économique. Après 74 ans, un pays se divise, sans heurts. Personne ou presque ne le pleure, dans l'indifférente beauté d'une ville éternelle. Au moment de la séparation des deux États, vous étiez pour ou vous étiez contre vous ? Non, donc, j'étais, na rozdíl od Fedora v Praze. Moi, la différence de Fedor, j'étais à Prague. Typický Čech. Stejně jako on jsem byl proti tomu rozdělení. Et comme lui, j'étais contre la séparation. A tehdy jsem měl vysoké politické postavení. À l'époque, j'avais une position politique assez élevée. A věděl jsem, je savais, že to rozdělení je činěno nekvalifikovaně. Que la séparation est en train d'être faite de façon non qualifiée, pas qualifiée. Že to je činěno novou neskušenou politickou elitou, která vznikla po roce 89. Et sans expérience qui est en train de faire la séparation. Je to nemá žádný solidní background, že qu'il n'y a aucun fondement solide à cela, que c'est une sorte de d'affaire de la cour de classe entre des petits garçons. A s Pavlem Tigridem, což byl známý jako náš zahraniční reportér. Et avec Pavel Tigrid, un reporter tchèque très connu. Jsme udělali velkou akci po republice. Nous avons fait une sorte de campagne tout à travers la République pour essayer d'obtenir un référendum sur la question. Et nous avons recueilli 2 250 000 signatures pour le référendum. Il y a quelque chose qui m'échappe. Expliquez-moi comment cette idée de séparation intervient dans le débat public après 74 ans de vie commune. Les kořeny jsou hluboké, sahají až do roku 1918. Les racines sont très profondes. Elles vont jusqu'à la création de la République tchécoslovaque de 1918. Kde hráli Češi jakoby významnou roli a některé slovenské kruhy toujours joué un rôle important et certains cercles slovaques le supportaient difficilement. Potom přišla období třetí říše, kdy došlo k rozpadu Československa. My jsme se stali protektorátem a Slovensko se stalo samostatným státem. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie a occupé le territoire tchèque. Et la Slovaquie est devenue un État satellite fasciste, satellite de l'Allemagne nazie. Et ensuite est venue la révolution de velours. Bien sûr, je fais beaucoup de raccourcis. Et en Slovaquie, ont commencé à émerger des voix, d'abord isolées, qui ont apporté le sujet de la séparation sur la table. Et moi, j'étais député de l'Assemblée fédérale à l'époque, donc j'observais tout cela de très très près. Et ils ont bourré les crânes des peuples slovaques et tchèques avec protože Fedor má pravdu, že by, kdyby bývalo došlo k tomu referendu, pro které jsme získali neuvěřitelný 2,4 milionu hlasů, tak by to lidi pour lequel on a recueilli vraiment beaucoup de signatures, les peuples n'auraient jamais validé cela. Parce qu'on aurait pu l'éviter. Umožnil to rozdělení. La loi qui a permis la séparation a été adoptée avec une majorité de 3-4 voix. Il aurait pu y avoir un référendum et cela aurait pu finir différemment. Laissons Prague derrière nous, direction la frontière tchéco-slovaque. Une frontière purement administrative, un peu formelle, mais qui fait sourire ou pleurer, c'est selon. Alors parfois on se joue d'elle, comme dans cette forêt de Moravie, où Yana Bross, traductrice et professeure de français, nous attend pour un exercice d'une banalité crasse dans cette région du monde. Alors on s'approche, c'est ça, on y est presque. On est presque en Slovaquie. Alors, on va voir une pierre, frontière finalement. Et vous allez voir, même sans se rendre compte, vous allez changer de pays. Voilà, qu'est-ce que vous voyez? Attention, la frontière. Alors, on va faire le pas. On va faire le pas symbolique pour changer de pays. Changer de pays. Et pourquoi pas en Europe? Alors, on y va? On y va. 1, 2, 3. Et ça y est, nous sommes donc... Nous sommes en Slovaquie. Alors, maintenant je devrais parler en slovaque. Alors, rozprávat. Je peux vous montrer, vous voyez, alors, dobrý deň. Rozprávam maličko po slovensky, je parle un petit peu en slovaque. Et si je fais un pas à droite maintenant, dobrý den, mluvím maličko česky. Je parle un petit peu tchèque. Il suffit de faire juste un pas, comme ça. Et vous voyez, vous êtes entouré de forêts, de nature. C'est silencieux, c'est sympa. Ici, à Sidonie, il y a quelque temps encore, la frontière passait au milieu du village. Une situation ubuesque pour ses habitants. Alors, on en a changé le tracé. Elle passe désormais derrière la maison de cette vieille dame, qui se demande bien pourquoi nous avons sonné à sa porte. Si elle veut bien nous répondre, elle refuse toutefois de nous donner son nom. Sans doute un vieux reste de méfiance de la dictature. On ne sait jamais. Tady je v každé chalupě Slovák nebo Slovenka. Já jsem měla taky muža Slováka. Ici, dans chaque maison, il y a des Tchèques et des Slovaques. Mon mari, lui aussi, était Slovaque. Mais il n'y a jamais eu de vrai conflit ici. La plupart des gens qui habitent de ce côté de la rivière voulaient passer du côté tchèque. Ce n'était pas comme un Saboti où les gens se disputaient et se bagarraient pour savoir où leur commune allait finir. De quel côté de la frontière. Alors vous voyez bien que finalement ici la question de la frontière est plus simple comme elle correspond complètement au ruisseau qu'on voit. Au moment de la séparation de la Tchécoslovaquie, personne n'était d'accord ici. On n'était pas content que la Tchécoslovaquie se sépare. Et on s'était dit que finalement la frontière pourrait peut-être correspondre à celle qui date du protectorat, c'est-à-dire de la Seconde Guerre mondiale, du protectorat Bohème-Moravie, et qui, elle, passait effectivement derrière les maisons, sous la forêt. Tak my jsme si mysleli, že to bude prostě bez problému, že tak dají hranicu tam, my připadneme na Moravu a bude to vyřešené. No jenom, že tak to dlouho trvalo, tak se to tahalo hned, ten chtěl, ten nechtěl, no až potom. Tenkrát to byl předseda vlády, myslím, Zeman. Alors nous, on pensait que la frontière, après la séparation de la Tchécoslovaquie, allait automatiquement devenir celle datant de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce n'était pas du tout le cas et ça a pris des années avant que cela puisse être négocié. Si je me rappelle bien, le Premier ministre à l'époque, c'était Miloš Zeman, l'actuel président de la République tchèque. Et en échange de ce territoire, qu'on a donc rajouté à la Tchéquie, on a donné à la Slovaquie quelques prés, quelques bouts de forêt qui se trouvent là, au bout de la route. Alors vous vous demandiez, madame, pourquoi est-ce que nous désirions vous voir. J'imagine que en 93, enfin jusqu'en 93, vous êtes tchécoslovaque. En 93, vous devenez slovaque. Et puis en 97, vous redevenez tchèque. C'est... Vous êtes le dindon de la farce, personne ne vous a posé la question de savoir qui vous vouliez être. Potom Slovenka, protože jsme se museli přihlásit do Srní. Oui, je suis devenue slovaque après 93, effectivement. Et j'aurais dû, on m'obligeait à m'enregistrer auprès de la commune slovaque de Horné Srnie, qui se trouve juste en bas. Et moi, je disais, jamais de la vie, je vais m'enregistrer à Horné Srnie. Je disais, mais je pars d'ici, si l'on m'oblige à m'enregistrer à la commune slovaque. Oui, ça nous a posé pas mal de soucis. Mon mari était entrepreneur à l'époque et on ne voulait pas nous connecter à un téléphone fixe. On devait faire toutes sortes de bidouillages pour passer par le côté tchèque pour se faire connecter une ligne. Donc, bon, je dirais qu'il y a eu de bons moments, il y a eu de mauvais moments aussi. Mais vraiment de ce côté-ci, personne ne disait qu'il ne fallait pas être rattaché à la Tchéquie. Bon, on s'en est sorti, on a survécu malgré tout cela. Že si na pivo, limonádu a vodu vezmou pokud možno vlastní úlitry či terínky. Všichni jste srdečně zváni. Dans ce village de Nivnice où nous nous trouvons, on peut voir accroché au poteau télégraphique un certain nombre de haut-parleurs. Alors qu'est-ce qu'on raconte? C'est un vestige du système socialiste. On communique, on envoie des informations à la population via ces haut-parleurs. C'est le moyen de faire passer des messages. Ça peut être le maire qui informe de la tenue d'une foire, ça peut être le maire qui informe d'un mariage qui va se tenir tel jour ou tel jour. Ou alors, ça peut simplement parfois être de la programmation musicale. Donc vous pouvez très bien vous réveiller dans le village avec le DJ de la mairie qui choisit ses morceaux préférés pour faire écouter cela à tout le monde à 8h du matin, un dimanche ou un lundi, un mardi. Donc effectivement, c'est assez spécial. Alors ici à Nivnice, le petit village dans lequel nous sommes, pas très loin de la frontière, quasiment toutes ces maisons sont colorées. Pourquoi les gens ont souhaité à un moment donné colorer leur maison comme ça? C'est pour moi une des expressions les plus typiques de ce sentiment de liberté de l'après-révolution. Avant, toutes les maisons étaient pareilles, non pas par souci de la conservation d'un patrimoine, non pas nécessairement, mais simplement parce que les biens accessibles étaient les mêmes partout et très réduits à travers la République. Et donc, quand après la Révolution, ont ouvert les premiers supermarchés de bricolage, avec des rayons remplis de pots de peinture de toutes les couleurs, les gens se sont précipités pour choisir la couleur de leur nouvelle façade selon la couleur préférée du moment. Donc, si c'était le rose, eh bien, c'était le pot de rose. Si c'était le violet, c'était le violet. Et surtout, si le voisin d'à côté avait déjà choisi le jaune, il fallait absolument choisir autre chose. D'où les rangées de maisons, vraiment de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, avec en plus des statuettes devant et derrière, puisque c'était possible, des balustrades qui rappellent le 18e siècle italien, mais simplement parce que c'était d'un coup possible. Un peu plus loin, dans le village de Stary Rozenko, du côté tchèque de la frontière. Je m'appelle Eliška Křížková et nous nous trouvons dans la commune de Stary Rozenko, à la frontière avec la Slovaquie. Et moi, je suis Vladimír Křížka de Stary Rozenko. Et le reste, elle l'a tout dit. Alors, monsieur et madame Křížka, vous vous souvenez de ce jour de 1989 où l'histoire bascule et où le socialisme s'arrête? Pamatujete-si na ten rok 89, kdy se všechno vlastně změnilo? No, určitě. Oui, nous nous en souvenons. Certains d'entre nous allaient agiter nos trousseaux de clés, c'était un peu le symbole du mécontentement et du soutien à la révolution à l'époque, moi aussi d'ailleurs, et c'était à Bratislava, en fait, parce que je travaillais en Slovaquie à l'époque et donc je participais aux démonstrations à Bratislava. Alors moi, je travaillais ici, pour ma part, j'étais à la maison et je m'occupais des enfants. On voulait croire à l'époque que tout serait meilleur, effectivement, avec la chute du régime. Mais les changements étaient venus très soudainement, les gens étaient un peu désorientés. Et son mari ajoute qu'ils étaient très enthousiastes à l'époque. No, tak jsme se vypravili do světa, což byla jako novinka. A i na takové dovolené jsme tam šli, ale oui, on partait en vacances, on voulait partir en vacances, donc même avec un petit budget, puisqu'on n'avait pas beaucoup d'argent, on s'est toujours arrangé pour y arriver d'une façon ou d'une autre. Et le monsieur ajoute, on a enfin expérimenté la liberté. Alors l'histoire va se précipiter, puisque 4 ans plus tard, en 1993, votre pays, la Tchécoslovaquie, disparaît. Alors c'est une surprise. Nic se s tím nepokazilo. My, obyčejní lidi, tady z toho příhraničí, se pořád stýkáme. Ça a sûrement été une bonne chose, la séparation, à la fin. Ça n'a rien gâché. Nous, des gens âgés, continuons de part et d'autre de la frontière à se voir et on reste amis. Pourquoi dites-vous, monsieur, que c'était une bonne chose, finalement, cette séparation? Protože Slovensko anebo Slováci. Eh bien, parce que les Slovaques, de toute façon, depuis très longtemps, aspiraient à une forme d'indépendance. Donc, est arrivé le moment où ils pouvaient la réaliser, cette indépendance, et ils étaient plus apaisés, ils étaient plus satisfaits. Et donc, nous aussi, on est contents qu'ils soient contents. Je m'appelle Milan Vaculík, je suis le maire de la commune de Starý Hrozenkov. Alors nous nous trouvons ici dans les Carpates blanches, dans le département de Uherské Hradiště, à la frontière avec la Slovaquie, et encore plus spécifiquement dans une mini-région qui s'appelle Moravské Kopanice, les Kopanice de Moravie, composée de 5 communes essentiellement. To znamená někdy v těch 70. letech. Ono ty nálady takové separatistické. Après la fédéralisation de la Tchécoslovaquie, encore sous le communisme, à la fin des années 60, les conditions pour les Slovaques s'étaient améliorées d'un point de vue économique. Moi, je me rappelle, ceci dit, que déjà en 68, quand on allait à Trenčín, donc dans la ville slovaque de Trenčín, près d'ici, il y avait une ambiance de séparatisme déjà à l'époque. Mais la fédéralisation de la République socialiste a fait que, même si la partie tchèque représentait 2/3 du pays et que la partie slovaque en représentait 1/3, les recettes de l'État étaient divisées moitié-moitié, ce qui a fait qu'il y avait beaucoup d'argent à la fin en Slovaquie. Et ça se voyait dans les villes, par exemple. À Trenčín, ils avaient tellement d'argent qu'ils ont décidé de détruire le quartier historique, de détruire les vieilles maisons et puis de construire des quartiers entiers à neuf. Alors qu'à Uherské Hradiště, une ville tchèque très loin, ils étaient obligés de restaurer petit à petit les immeubles historiques. Et bon, finalement, aujourd'hui, on est bien content d'avoir un centre historique à Uherské Hradiště. Et je trouve cela un peu dommage qu'à Trenčín, toute la vieille ville quasiment était détruite. Étrangère dans ton pays, nous chante Mirka et Kudzinka, chanteur tchèque et chanteuse slovaque. Ještě včera mluvili jsme stejnou řečí, i přes pár cizích slov, tvý dopisy jsem zvládal přečíst, dnes ty cizí převažují ty známý, co je to s námi, sakra, co je to s námi. Ještě včera praveli jsme narovnako, až na malé odchýlky, dnes připadám si jako pako, keďže všetky slová cudzie zdajú sami. Je m'appelle Kateřina, j'ai 17 ans, j'habite à Vápenice, c'est aux frontières de Czech Republic et Slovaquie. Je m'appelle Michal, j'ai 16 ans et j'habite à Uherský Brod. Dívám se do slovníku a zkouším zahrát zlej sen, že včera byl jsem tvůj svět a teď už nejsem. Dívám se do slovníka. Au lycée tchèque Uherský Brod, on nous attend. Car cette frontière, même les plus jeunes en parlent. Elle est dans toutes les têtes et les mémoires qui se transmettent en famille. Je m'appelle Dominique, j'ai 16 ans et j'habite dans un village près de la frontière avec la Slovaquie. J'apprends le français par ailleurs ici depuis 4 ans au lycée à Uherský Brod. U mě třeba se dost často stává, že má čeština se mísí se slovenštinou přímo. Chez moi, par exemple, le tchèque et le slovaque comme langue se mélangent fréquemment dans des conversations courantes. Au jour le jour, je peux mélanger les deux quand je parle, comme j'habite, sans doute aussi du fait que j'habite à la frontière pratiquement. Ono to pro nás nemělo skoro žádný význam, protože my jakoby nevíme. Nous, on n'était pas nés en 93, au moment de la séparation. Et pour moi, le changement que moi j'ai perçu était plutôt celui de l'adhésion des deux pays à l'Union européenne. J'avais que 2 ans à l'époque, certes, mais le fait que la circulation soit complètement libre et sans aucune contrainte entre les deux pays, ça me semblait important et c'est cela que j'ai connu. Takže, sice nevím, jaké to bylo mezi lety 89 et depuis 2004, donc depuis l'adhésion à l'Union européenne, la frontière a vraiment perdu sa réalité matérielle. No tak, třeba naše rodina, jakože já. Alors pour ma mère, par exemple, qui est slovaque, mais qui vit, qui vivait en Tchécoslovaquie depuis longtemps, à l'époque, pas grand-chose a changé, honnêtement. Le drapeau, de toute façon, le drapeau tchécoslovaque était devenu le drapeau tchèque. Et puis pour l'hymne aussi, il était le même, juste raccourci, puisque la partie slovaque a été enlevée. C'est-à-dire, c'est, on a coupé en deux la Tchécoslovaquie, on a coupé en deux l'hymne national. Oui, l'hymne tchécoslovaque était conçu en deux parties, en combinant et collant l'une à l'autre deux chansons qui étaient nées séparément à différents moments, avec des auteurs différents, et donc collées ensemble au moment de la création de la Tchécoslovaquie, et puis décollées au moment de la séparation. Retour à Prague, au parc Sadi, dans les jardins Havlíček, où Pavel Bracha, signataire de la charte 77 et professeur de philosophie politique à l'université de Prague, nous attend. Jmenuji se Pavel Bracha, učím na Karlově univerzitě. Je m'appelle Pavel Bracha, j'enseigne la philosophie politique à l'Université Charles et la théorie sociale et j'ai 59 ans. Je suis tchécoslovaque. To znamená, že jsem se narodil v Československu. Cela signifie que je suis né en Tchécoslovaquie en 1960 et jusqu'à mes 32 ans, je me considérais comme étant tchécoslovaque. Non, protože taky mezi tím Česko, depuis la République tchèque et la Slovaquie sont devenus membres de l'Union européenne, donc ce n'est pas un si grand drame finalement. J'ai beaucoup d'étudiants slovaques également qui peuvent parler en slovaque à l'université, qui me remettent leurs travaux écrits en slovaque et tout est accepté, on se comprend. Ce qui m'intéresse, c'est la question de l'identité. L'identité et la question d'appartenir à une nation. La Tchécoslovaquie est née sur les ruines de la Première Guerre mondiale. On a créé une nation de toutes pièces, puisque c'était la fin des empires, la fin de l'Empire austro-hongrois. Comment se fabrique une identité nationale qui est l'identité tchécoslovaque et 74 ans plus tard, tout ça disparaît? Non. Une chose est importante pour comprendre cela, c'est que dès le départ, la relation entre les Tchèques et les Slovaques était inégale. Les Tchèques étaient dès le départ plus nombreux et beaucoup plus avancés ou développés comme territoire. Donc la position des Slovaques comme pays très agraire était désavantagée dès le début. Non, jak jsem řekl, jak jsem řekl na začátku, já myslím, že to nakonec tak jako bolestivý a tragický ten rozvod nebyl. Takže a myslím si, že ten vztah byl prostě skutečně příliš asymetrický na to. Alors je pense que finalement cette séparation était un divorce pas si douloureux que ça. Comme je l'ai dit, c'était une relation entre les Tchèques et les Slovaques trop asymétrique peut-être pour que cela tienne. Et donc qui suscitait une arrogance du côté tchèque. Le fait que les Tchèques ne prêtaient pas assez attention à ce que pouvaient vivre les Slovaques, et du côté slovaque, le fait de se comparer sans arrêt aux Tchèques. Et donc, finalement, la séparation était quelque chose d'assez sain, peut-être. Qui pourrait me dessiner la carte au tableau de la Slovaquie et de la République tchèque ? Bah... Voilà, ça c'est la Slovaquie. La capitale c'est ici, c'est au sud-ouest, et c'est la Bratislava. Et la République tchèque est en fait au nord-ouest aussi. Je ne sais pas vraiment exactement comment ça a l'air. Je ne sais pas, j'ai oublié. Mais tu peux. Merci. C'est pas l'Autriche, ça. L'Autriche et la République tchèque, c'est plutôt comme ça. Avec les lycéens de Trenčín, du côté slovaque de la frontière, la géographie reste une notion approximative. Et Prague, et c'est ici. Je me sens plutôt slovaque, mais ma mère est tchèque, donc j'ai un sens de solidarité peut-être avec les Tchèques, sauf quand c'est la saison du hockey, parce que là, c'est la rivalité totale. Voilà. Donc moi, je me sens aussi plutôt slovaque, mais par exemple, quand on part en France, alors là, la Slovaquie, on la connaît pas trop, donc les gens me prennent comme tchèque. Mais honnêtement, je l'accepte, j'ai pas honte de ça, parce que quand même, la Slovaquie et la Tchéquie, même après la séparation, on est toujours des pays qui sont fort proches, aussi avec la culture, la nourriture et la langue. Donc, je pense que ça n'a pas vraiment... changer beaucoup de choses à la séparation. La seule chose que je peux espérer, moi, že holokaust, ktorý som prešiel, že komunizmus, ktorý som si odžil, že revolúcia, ktorú sme absolvovali, la Shoah que j'ai vécu, le communisme que j'ai vécu, que la révolution que nous avons faite, bude súčasťou ich kolektívnej pamäte. Restera une partie intégrale de leur mémoire collective. Že naše vnúčata budú stáť na našich ramenách. Que nos petits-enfants se mettent sur nos épaules. Naši občané zase ztrácí strašne rýchle pamäť. Mais nos concitoyens perdent la mémoire très vite. Neudržívajú vedomí souvislosti. Přinejmenším od roku 1918, ale přinejmenším od roku 1945. Et ils ne gardent pas en mémoire les liens entre les événements depuis 89. My jsme zažili zrůdnost bolševismu a Fedor částečně, já jsem trošku mladší, a naši ještě rodiče, kteří žijí, zažili zrůdnost nacismu. Nous avons vécu la monstruosité du bolchevisme et Fedor, moi je suis un peu plus jeune, également la monstruosité du fascisme. To byly bestiální systémy, které vyvraždily miliony lidí. A já tvrdím jednu věc, že současné nové boje našich mladých, jak Fedor říká, že už je to jenom na nich, se neobejdou bez této zkušenosti ze strany starých starších nás lidí. To znamená, že není možno, aby se to nechalo jen nechat, vidím, že to musí multigenerační spolu. Et moi je dis que ces jeunes générations doivent garder cela en mémoire, mais que cela doit être une révolte multigénérationnelle, qu'on ne peut pas tout laisser sur leurs épaules. A poslední slovo, protože Fedor se teď ohradí, já to vím, aby to nedopadlo jako s rozdělením Československa, jo. To také bylo vlastně uvěděné na základě nedostat amatérský krok, na základě nedostatku zkušeností. My musíme těm mladým neustále, a možná i z těch náměstí a z těch tribun, pour que cela ne finisse pas comme la séparation de la Tchécoslovaquie qui a été faite sans expérience. On doit sans arrêt rappeler aux jeunes générations ce dont ils ne sont peut-être pas suffisamment conscients, par exemple, des politiques de la Russie d'aujourd'hui. Ou de la Chine. Další technické informace. Opravdu prosíme, v koridorech se nezastavujte, to platí i pro kameramany, nechte je průchozí, kdyby nastala jakákoliv komplikace, musí být průchozí. Další věc, našel se pes. Je to ohař, majitel je pan Urbánek, čeká u technického vchodu tady za mnou. Le 23 juin 2019, ils sont 250 000 à manifester dans les rues de Prague pour réclamer le départ du Premier ministre Andrej Babiš, soupçonné d'avoir détourné des subventions européennes pour son propre compte. Bien, écoutez, il y a un fort sentiment de insatisfaction par rapport au gouvernement, surtout le Premier ministre. On voit que des gens qui se préoccupent finalement de leur intérêt personnel, davantage que l'intérêt général de la société, qu'aujourd'hui, même ici à Prague, au Tchéquie, comme partout dans le monde, Hong Kong ou d'autres cités qui sont très concernées par ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Donc la réponse est là. Ça fait une année, grosso modo, que je suis ça. Ça a commencé par petites réunions, plus grandes réunions dans les plus grandes places. Ensuite, ça a occupé la place Venceslas, la place la plus emblématique pour cette république depuis sa création. Et maintenant, le challenge était de faire venir sur la plus grande place disponible dans la capitale le plus grand nombre de personnes. Il y a des villes entières qui sont venues en grand nombre de représenter tout le pays. C'est pas que des Pragois. Je suis un réfugié politique de 1968. J'ai vécu 50 ans à l'étranger, je suis revenu dans ce pays pour vivre ma retraite. Mais évidemment, je suis concerné parce que je suis très, très touché par ce mouvement-là. Donc je suis là parce que je pense que la jeune génération a raison de s'occuper de son avenir et de le manifester de cette façon-là. Le 17 avril 2019, la police a recommandé au procureur d'inculper le Premier ministre d'abus de fonds européens. Mais c'est le ministre de la Justice qui a été limogé, expliquent les manifestants. Merci à Fedor Gal, Mikhaïl Kotchab, Pavel Barcha, Yana Vargoshikova, Yana et Joël Bros pour leur aide précieuse et à Clara Royer. Merci également aux maires des villages frontaliers qui nous ont accueillis et à leurs habitants. Merci enfin aux élèves du lycée tchèque Uherský Brod et à ceux slovaques de Trenčín. 1989, le début de la fin de l'histoire, Tchécoslovaquie, mémoire d'un pays disparu. Réalisation Guillaume Baldi, mixage Alain Joubert, archivina Hervé Evano. Coordination Marie-Vonne Bolivier et Perrine Kervran. Un documentaire d'Alain Levkovitch pour la série documentaire. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien, ou pour nous réécouter sur la frontière tchèque, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Mathias Meji et Anne-Lise Signoret.